Itinéraire de Paris à Jérusalem, de François-Auguste René, vicomte de Châteaubriant, première publication en 1811, édition Furne et compagnie de 1865, markendanarchive.org. Le texte est adapté à la lecture en synthèse vocale, les passages en italien, en latin et les mots écrits en grec sont traduits ou supprimés. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique. Extrait de la préface de l'itinéraire pour l'édition de 1827. Lorsqu'en 1806 Joule entreprit le voyage d'outre-mer, Jérusalem était presque oubliée. Un siècle anti-religieux avait perdu mémoire du berceau de la religion. Comme il n'y avait plus de chevaliers, il semblait qu'il n'y eût plus de Palestine. Le dernier voyageur dans le Levant, Monsieur le Comte de Volnay, avait donné au public d'excellents renseignements sur la Syrie, mais il s'était borné à des détails généraux sur le gouvernement de la Judée. De ce concours de circonstances, il résultait que Jérusalem, d'ailleurs si près de nous, paraissait être au bout du monde. L'imagination se plaisait à semer des obstacles et des périls sur les avenues de la Cité Sainte. Je tentai l'aventure, et il m'arriva ce qui arrive à quiconque marche sur l'objet de sa frayeur. Le fantôme s'évanouit. Je fis le tour de la Méditerranée sans accident grave, retrouvant Sparte, passant à Athènes, saluant Jérusalem, admirant Alexandrie, signalant Carthage, et me reposant du spectacle de tant de ruines dans les ruines de l'Alhambra. J'ai donc eu le très petit mérite d'ouvrir la carrière, et le très grand plaisir de voir qu'elle a été suivie après moi. En effet, mon itinéraire fut à peine publié qu'il servit de guide à une foule de voyageurs. Rien ne le recommande au public que son exactitude. C'est le livre de poste des ruines. J'y marque scrupuleusement les chemins, les habitacles et les stations de la gloire. Plus de 1500 Anglais ont visité Athènes dans ces dernières années, et Lady Stanhope, en Syrie, a renouvelé l'histoire des princesses d'Antioche et de Tripoli. Quand je n'aurai eu en allant en Grèce et en Palestine que le bonheur de tracer la route aux talents qui devaient nous faire connaître ces pays des beaux et grands souvenirs, je me féliciterai encore de mon entreprise. On a vu à Paris les panoramas de Jérusalem et d'Athènes. L'illusion était complète. Je reconnus au premier coup d'œil les monuments et les lieux que j'avais indiqués. Jamais voyageur ne fut mis à si rude épreuve, je ne pouvais pas m'attendre qu'on transportât Jérusalem et Athènes à Paris, pour me convaincre de mensonge ou de vérité. La confrontation avec les témoins m'a été favorable. Mon exactitude s'est trouvée telle, que des fragments de l'itinéraire ont servi de programme et d'explication populaire au tableau des panoramas. 1819 à la grande rotonde du boulevard des Capucines. Voir page 18 l'essai sur l'histoire des panoramas et des dioramas par Germain Baps. L'itinéraire a pris par les événements du jour un intérêt d'une espèce nouvelle, il est devenu, pour ainsi dire, un ouvrage de circonstances, une carte topographique du théâtre de cette guerre sacrée, sur laquelle tous les peuples ont aujourd'hui les yeux attachés. Il s'agit de savoir si Sparte et Athènes renaîtront, ou si elles resteront à jamais ensevelies dans leur poussière. Malheur au siècle, témoin passif d'une lutte héroïque, qui croirait qu'on peut, sans péril comme sans pénétration de l'avenir, laisser immoler une nation. Cette faute, ou plutôt ce crime, serait tôt ou tard suivi du plus rude châtiment. L'itinéraire. Troisième partie. Voyage de Rhodes, de Jaffa, de Bethléem et de la mer morte. Nous étions sur le vaisseau à peu près de 100 passagers, hommes, femmes, enfants et vieillards. On voyait autant de nattes rangées en ordre des deux côtés de l'entrepont. Une bande de papier, collée contre le bord du vaisseau, indiquait le nom du propriétaire de la natte. Chaque pèlerin avait suspendu à son chevet son bourdon, son chapelet et une petite croix. La chambre du capitaine était occupée par les papas conducteurs de la troupe. À l'entrée de cette chambre, on avait ménagé deux antichambres. J'avais l'honneur de loger dans un de ces trous noirs, d'environ 6 pieds carrés, avec mes deux domestiques. Une famille occupait vis-à-vis de moi l'autre appartement. Dans cette espèce de république, chacun faisait son ménage à volonté. Les femmes soignaient leurs enfants, les hommes fumaient ou préparaient leur dîner, les papas causaient ensemble. On entendait de tous côtés le son des mandolines, des violons et des lyres. On chantait, on dansait, on riait, on priait. Tout le monde était dans la joie. On me disait « Jérusalem », en me montrant le midi, et je répondais « Jérusalem ». Enfin, sans la peur, nous eussions été les plus heureux gens du monde, mais au moindre vent les matelots pliaient les voiles, les pèlerins criaient « Christos Kyrie Eleison ». L'orage passé, nous reprenions notre audace. Au reste, je n'ai point remarqué le désordre dont parlent quelques voyageurs. Nous étions au contraire fort décents et fort réguliers. Dès le premier soir de notre départ, deux papas firent la prière, à laquelle tout le monde assista avec beaucoup de recueillement. On bénit le vaisseau, cérémonie qui se renouvelait à chaque orage. Les chants de l'église grecque ont assez de douceur, mais peu de gravité. J'observai une chose singulière. Un enfant commençait le verset d'un psaume dans un ton aigu, et le soutenait ainsi sur une seule note, tandis qu'un papa chantait le même verset sur un air différent et en canon. C'est-à-dire, commençant la phrase lorsque l'enfant en avait déjà passé le milieu. Ils ont un admirable Kyrie Eleison, ce n'est qu'une note tenue par différentes voix, les unes graves, les autres aiguës, exécutant andante et mezza voce, l'octave, la quinte et la tierce. L'effet de ce Kyrie est surprenant pour la tristesse et la majesté, c'est sans doute un reste de l'ancien chant de la primitive église. Je soupçonne l'autre psalmodie d'appartenir à ce chant moderne introduit dans le rite grec vers le IVe siècle, et dont saint Augustin avait bien raison de se plaindre. Dès le lendemain de notre départ, la fièvre me reprit avec assez de violence. Je fus obligé de rester couché sur ma natte. Nous traversâmes rapidement la mer de Marmara, la Propontide. Nous passâmes devant la presqu'île de Cizique, et à l'embouchure d'Aegospotamos. Nous rasâmes les promontoires de Sestos et d'Abydos, Alexandre et son armée, Xerxès et sa flotte, les Athéniens et les Spartiates, Héros et Léandre, ne purent vaincre le mal de tête qui m'accablait. Mais, lorsque, le 21 septembre à 6 heures du matin, on me vint de dire que nous allions doubler le château des Dardanelles, la fièvre fut chassée par les souvenirs de Troie. Je me traînais sur le pont, mes premiers regards tombèrent sur un haut promontoire couronné par 9 moulins, c'était le cap Siget. Au pied du cap je distinguais 2 tumulus, les tombeaux d'Achille et de Patrocle. L'embouchure du Simoïs était à la gauche du château neuf d'Asie. Plus loin, derrière nous, en remontant vers l'Hellespont, paraissait le Caprété et le tombeau d'Ajax. Dans l'enfoncement s'élevait la chaîne du mont Ida, dont les pentes, vu du point où j'étais, paraissait douce et d'une couleur harmonieuse. Ténédos était devant la proue du vaisseau. Je promenais mes yeux sur ce tableau, et les ramenais malgré moi à la tombe d'Achille. Je répétais ces vers du poète. L'armée des Grecs belliqueux élève sur le rivage un monument vaste et admiré, monument que l'on aperçoit de loin en passant sur la mer, et qui attirera les regards des générations présentes et des races futures. Odyssée livre 24. Les pyramides des rois égyptiens sont peu de choses, comparées à la gloire de cette tombe de gazon que chanta Homère, et autour de laquelle courut Alexandre. J'éprouvais dans ce moment un effet remarquable de la puissance des sentiments et de l'influence de l'âme sur le corps. J'étais monté sur le pont avec la fièvre. Le mal de tête cessa subitement. Je sentis renaître mes forces, et, ce qu'il y a de plus extraordinaire, toutes les forces de mon esprit. Il est vrai que 24 heures après la fièvre était revenue. Je n'ai rien à me reprocher, j'avais eu le dessein de me rendre par l'Anatolie à la plaine de Troie, et l'on a vu ce qui me força à renoncer à mon projet. J'y voulus aborder par mer, et le capitaine du vaisseau refusa obstinément de me mettre à terre, quoiqu'il y fût obligé par notre traité. Voyez ce traité sous la note C, à la fin de ce volume. Dans le premier moment, ces contrariétés me firent beaucoup de peine, mais aujourd'hui je m'en console. J'ai tant été trompé en Grèce, que le même sort m'attendait peut-être à Troie. Du moins j'ai conservé toutes mes illusions sur le Simoïs, j'ai de plus le bonheur d'avoir salué une terre sacrée, d'avoir vu les flots qui la baignent, et le soleil qui l'éclaire. Je m'étonne que les voyageurs, en parlant de la plaine de Troie, négligeant presque toujours les souvenirs de l'Énéide. Troie a pourtant fait la gloire de Virgile comme elle a fait celle d'Homère. C'est une rare destinée pour un pays d'avoir inspiré les plus beaux chants des deux plus grands poètes du monde. Tandis que je voyais fuir les rivages d'Ilion, je cherchais à me rappeler les vers qui peignent si bien la flotte grecque sortant de Ténédos, et s'avançant per silencia lunae, à ses bords solitaires qui passaient tour à tour sous mes yeux. Bientôt des cris affreux succédaient au silence de la nuit, et les flammes du palais de Priam éclairaient cette mer où notre vaisseau voguait paisiblement. La muse d'Euripide, s'emparant aussi de ses douleurs, prolongea les scènes de deuil sur ses rivages tragiques. Le cœur, Hécube, voyez-vous Andromaque qui s'avance sur un char étranger? Son fils, le fils d'Hector, le jeune Astyanax, suit le sein maternel. Hécube, ô femme infortunée, en quel lieu êtes-vous conduite? Entouré des armes d'Hector et des dépouilles de la Phrygie? Andromaque, ô douleur! Hécube, mes enfants! Andromaque, infortuné! Hécube, et mes enfants! Andromaque, accours, mon époux! Hécube, oui, viens, fléau des Grecs! Ô le premier de mes enfants! Rends à Priam, dans les enfers, celle qui sur la terre, lui fut si tendrement unie. Le cœur, il ne nous reste que nos regrets et les larmes que nous versons sur ces ruines. Les douleurs ont succédé aux douleurs Troie a subi le joug de l'esclavage. Hécube, ainsi le palais où je devins mère est tombé. Le cœur, ô mes enfants, votre patrie est changée en désert, etc. Les Troyennes, théâtre des Grecs, traduction française. Tandis que je m'occupais des douleurs d'Hécube, les descendants des Grecs avaient encore l'air, sur notre vaisseau, de se réjouir de la mort de Priam. Deux matelots se mirent à danser sur le pont, Au son d'une lyre et d'un tambourin, ils exécutaient une espèce de pantomime. Tantôt ils levaient les bras au ciel, tantôt ils appuyaient une de leurs mains sur le côté, étendant l'autre main comme un orateur qui prononce une harangue, fit porter ensuite cette même main au cœur, au front et aux yeux. Tout cela était entremêlé d'attitudes plus ou moins bizarres, sans caractère décidé, et assez semblables aux contorsions des sauvages. On peut voir, au sujet des danses des Grecs modernes, les lettres de M. Guy et de Mme Chénier. À cette pantomime succéda une ronde, où la chaîne, passant et repassant par différents points, rappelait assez bien les sujets de ces bas-reliefs où l'on voit des danses antiques. Heureusement l'ombre des voiles du vaisseau me dérobait un peu la figure et le vêtement des acteurs, et je pouvais transformer mes sales matelots en bergers de Sicile et d'Arcadie. Le vent continuant à nous être favorable, nous franchîmes rapidement le canal qui sépare l'île de Tenedos du continent, et nous longeâmes la côte de l'Anatolie jusqu'au cap Baba, autrefois l'Ectum Promontorium. Nous portâmes alors à l'ouest pour doubler à l'entrée de la nuit la pointe de l'île de Lesbos. Ce fut à Lesbos que naquirent Sappho et Alcée, et que la tête d'Orphée vint aborder en répétant le nom d'Eurydice. Le 22 au matin, la tramontagne se leva avec une violence extraordinaire. Nous devions mouiller à Chio pour prendre d'autres pèlerins. Mais, par la frayeur et la mauvaise manœuvre du capitaine, nous fûmes obligés d'aller jeter l'ancre au port de Tchesmé, sur un fond de roc assez dangereux, près d'un grand vaisseau égyptien naufragé. Ce port d'Asie a quelque chose de fatal. La flotte turque y fut brûlée, en 1770, par le comte Orloff, et les Romains y détruisirent les galères d'Antiochus, l'an 191 avant notre ère, si toutefois le Sissus des anciens est le Tchesmé des modernes. Monsieur de Choiseul a donné un plan et une vue de ce port. Le lecteur se souvient peut-être que j'étais presque entré à Tchesmé en faisant voile pour Smyrne, le 1er septembre, 21 jours avant mon second passage dans l'archipel. Nous attendîmes, le 22 et le 23, les pèlerins de l'île de Chio. J'en descendis à terre et me fis une ample provision de grenades de Tchesmé. Elles ont une grande réputation dans le Levant, quoiqu'elles soient inférieures à celles de Jaffa. Mais je viens de nommer Jean, et cela me rappelle que je n'ai point encore parlé au lecteur de ce nouvel interprète, successeur du bon Joseph. C'était l'homme le plus mystérieux que j'ai jamais rencontré. De petits yeux enfoncés dans la tête et comme cachés par un effort saillant, deux moustaches rouges, une habitude continuelle de sourire, quelque chose de souple dans le maintien, donneront d'abord une idée de sa personne. Quand il avait un mot à me dire, il commençait par s'avancer de côté, et, après avoir fait un long détour, il venait presque en rampant me chuchoter dans l'oreille la chose du monde la moins secrète. Aussitôt que je l'apercevais, je lui criais « Marchez droit et parlez haut !» Conseil qu'on pourrait adresser à bien des gens. Jean avait des intelligences avec les principaux papas. Il racontait de moi des choses étranges. Il me faisait des compliments de la part des pèlerins qui demeuraient à fond de cale, et que je n'avais pas remarqué. Au moment des repas, il n'avait jamais d'appétit, tant il était au-dessus des besoins vulgaires, mais aussitôt que Julien avait achevé de dîner, ce pauvre Jean descendait dans la chaloupe où l'on tenait mes provisions, et, sous prétexte de mettre de l'ordre dans les paniers, il engloutissait des morceaux de jambon, dévorait une volaille, avalait une bouteille de vin, et tout cela avec une telle rapidité qu'on ne voyait pas le mouvement de ses lèvres. Il revenait ensuite d'un air triste me demander si j'avais besoin de ses services. Je lui conseillais de ne pas se laisser aller au chagrin et de prendre un peu de nourriture, sans quoi il courrait le risque de tomber malade. Le grec me croyait sa dupe, et cela lui faisait tant de plaisir, que je le lui laissais croire. Malgré ses petits défauts, Jean était au fond un très honnête homme, et il méritait la confiance que ses maîtres lui accordaient. Au reste, je n'ai tracé ce portrait, et quelques autres, que pour satisfaire au goût de ses lecteurs qui aiment à connaître les personnages avec lesquels on les fait vivre. Pour moi, si j'avais eu le talent de ces sortes de caricatures, j'aurais cherché soigneusement à l'étouffer. Tout ce qui fait grimacer la nature de l'homme me semble peu digne d'estime. On sent bien que je n'enveloppe pas dans cet arrêt la bonne plaisanterie, la raillerie fine, la grande ironie du style oratoire, et le haut comique. Dans la nuit du 22 au 23, le bâtiment chassa sur son ancre, et nous pensâmes nous perdre sur les débris du vaisseau d'Alexandrie naufragé auprès de nous. Les pèlerins de Kyo arrivèrent le 23 à midi, ils étaient au nombre de 16. À 10 heures du soir nous appareillâmes par une fort belle nuit, avec un vent d'est modéré, qui remonta au nord le 24 au lever du jour. Nous passâmes entre Nicaria et Samos. Cette dernière île fut célèbre par sa fertilité, par ses tyrans, et surtout par la naissance de Pythagore. Le bel épisode de Télémaque a effacé tout ce que les poètes nous ont dit de Samos. Nous nous engageâmes dans le canal que forment les Sporades, Patmos, Léria, Co, etc., et les rivages de l'Asie. Là serpentait le méandre, là s'élevait Éphèse, Milet, Halicarnasse, Cnide. Je saluais pour la dernière fois la patrie d'Homère, d'Hérodote, d'Hippocrate, de Thaïs, d'Aspasie, mais je n'apercevais ni le temple d'Éphèse, ni le tombeau de Mausole, ni la Vénus de Cnide, et, sans les travaux de Pocock, de Wood, de Spon, de Choiseul, je n'aurais pu, sous un nom moderne et sans gloire, reconnaître le promontoire de Mycale. Le 25, à 6 heures du matin, nous jetâmes l'ancre au port de Rhodes, afin de prendre un pilote pour la côte de Syrie. Je descendis à terre et je me fis conduire chez Monsieur Magallon, consul français. Toujours même réception, même hospitalité, même politesse. Monsieur Magallon était malade, il voulut cependant me présenter au commandant turc, très bon homme, qui me donna un chevreau noir, et me permit de me promener où je voudrais. Je lui montrai un firman qu'il mit sur sa tête, en me déclarant qu'il portait ainsi tous les amis du grand seigneur. Il me tarda de sortir de cette audience, pour jeter du moins un regard sur cette fameuse robe d'où je ne devais passer qu'un moment. Ici commençait pour moi une antiquité qui formait le passage entre l'antiquité grecque que je quittais, et l'antiquité hébraïque dont j'allais chercher les souvenirs. Les monuments des chevaliers de Rhodes ranimèrent ma curiosité un peu fatiguée des ruines de Sparte et d'Athènes. Des lois sages sur le commerce, quelques vers de Pindare sur l'épouse du soleil et la fille de Vénus, la nymphe Rhodos, des poètes comiques, des peintres, des monuments plus grands que beaux. Voilà, je crois, tout ce que rappelle aux voyageurs la Rhodes antique. Les Rhodiens étaient braves, il est assez singulier qu'ils se soient rendus célèbres dans les armes pour avoir soutenu un siège avec gloire, comme les chevaliers leurs successeurs. Rhodes, honoré de la présence de Cicéron et de Pompée, fut souillé par le séjour de Tibère. Les Perses s'emparèrent de Rhodes sous le règne d'Honorius. Elle fut prise ensuite par les généraux des califes l'an 647 de notre ère, et reprise par Anastase, empereur d'Orient. Les Vénitiens s'y établirent en 1203. Jean Ducas l'enleva aux Vénitiens. Les Turcs la conquirent sur les Grecs. Les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem s'en saisirent en 1304, 1308 ou 1319. Ils la gardèrent à peu près 2 siècles, et la rendirent à Soliman II, le 25 décembre 1522. On peut consulter, sur Rode, Coronelli, Dapert, Savary et Monsieur de Choiseul. On peut consulter Leon Claviu, dans son traité du droit maritime des Grecs et des Romains. La belle ordonnance de Louis XIV sur la marine conserve plusieurs dispositions des lois rhodiennes. Rhodes m'offrait à chaque pas des traces de nos mœurs et des souvenirs de ma patrie. Je retrouvais une petite France au milieu de la Grèce. Je parcourais une longue rue, appelée encore la rue des Chevaliers. Elle est bordée de maisons gothiques. Les murs de ces maisons sont parsemés de devises gauloises et des armoiries de nos familles historiques. Je remarquai l'hélice de France couronnée, et aussi frais que s'il sortait de la main du sculpteur. Les Turcs, qui ont mutilé partout les monuments de la Grèce, ont épargné ceux de la chevalerie. L'honneur chrétien a étonné la bravoure infidèle, et les Saladins ont respecté les coucis. Au bout de la rue des Chevaliers, on trouve 3 arceaux gothiques qui conduisent au palais du grand maître. Ce palais sert aujourd'hui de prison. Un couvent à demi ruiné, et desservi par 2 moines, est tout ce qui rappelle à Rhodes cette religion qui y fit tant de miracles. Les pères me conduisirent à leur chapelle. On y voit une vierge gothique. Peinte sur bois, elle tient son enfant dans ses bras. Les armes du grand maître d'Aubusson sont gravées au bas du tableau. Cette antiquité curieuse fut découverte, il y a quelques années, par un esclave qui cultivait le jardin du couvent. Il y a dans la chapelle un second autel dédié à Saint Louis, dont on retrouve l'image dans tout l'Orient, et dont j'ai vu le lit de mort à Carthage. Je laissai quelques aumônes à cet autel, en priant les pères de dire une messe pour mon bon voyage, comme si j'avais prévu les dangers que je courrais sur les côtes de Rhodes à mon retour d'Égypte. Le port marchand de Rhodes serait assez sûr, si l'on rétablissait les anciens ouvrages qui le défendaient. Au fond de ce port s'élève un mur flanqué de 2 tours. Ces 2 tours, selon la tradition du pays, on remplaçait les 2 rochers qui servaient de base aux colosses. On sait que les vaisseaux ne passaient point entre les jambes de ce colosse, et je n'en parle que pour ne rien oublier. Assez près de ce premier port se trouve la darse des galères et le chantier de construction. On y bâtissait alors une frégate de 30 canons avec des sapins tirés des montagnes de l'île, ce qui m'a paru digne de remarque. Les rivages de Rhodes, du côté de la Caramanie, la Doride et la Carie, sont à peu près au niveau de la mer, mais l'île s'élève dans l'intérieur, et l'on remarque surtout une haute montagne, aplatie à sa cime, citée par tous les géographes de l'Antiquité. Il reste encore à l'Inde quelques vestiges du temple de Minerve. Camille et Yalys ont disparu. Rhodes fournissait autrefois de l'huile à toute l'Anatolie, elle n'en a pas aujourd'hui assez pour sa propre consommation. Elle exporte encore un peu de blé. Les vignes donnent un vin très bon, qui ressemble à ceux du Rhône. Les plants en ont peut-être été apportés du Dauphiné par les chevaliers de cette langue, d'autant plus qu'on appelle ces vins, comme en Chypre, 22 commanderies. Nos géographies nous disent que l'on fabrique à Rhodes des velours et des tapisseries très estimées, quelques toiles grossières, dont on fait des meubles aussi grossiers, sont, dans ce genre, Le seul produit de l'industrie des Rhodiens. Ce peuple, dont les colonies fondèrent autrefois Naplée Agrigente, occupe à peine aujourd'hui un coin de son île déserte. Un aga, avec une centaine de janissaires dégénérés, suffisent pour garder un troupeau d'esclaves soumis. On ne conçoit pas comment l'ordre de Malte n'a jamais essayé de rentrer dans ses anciens domaines. Rien n'était plus aisé que de s'emparer de l'île de Rhodes. Il eût été facile aux chevaliers d'en relever les fortifications, qui sont encore assez bonnes. Ils n'en auraient point été chassés de nouveau, car les Turcs, qui, les premiers en Europe, ouvrirent la tranchée devant une place, sont maintenant le dernier des peuples dans l'art des sièges. Je quittai M. Magalon le 25 à 4 heures du soir, après lui avoir laissé des lettres qu'il me promit de faire passer à Constantinople, par la Caramanie. Je rejoignis dans un caïque notre bâtiment déjà sous voile avec son pilote côtier. Ce pilote était un Allemand établi à Rhodes depuis plusieurs années. Nous fîmes route pour reconnaître le cap à la pointe de la Caramanie, autrefois le promontoire de la Chimère en Lycie. Rhodes offrait au loin, derrière nous, une chaîne de côtes bleuâtres, sous un ciel d'or. On distinguait dans cette chaîne de montagnes carrées, qui paraissaient taillées pour porter des châteaux, et qui ressemblaient assez par leur coupe aux acropolis de Corinthe, d'Athènes et de Pergame.